la masse au tirage. Tu es sain et malsain comme un verre de vieille pisse. QSM sauve le toxin, QSM te dévisse, QSM se déchaîne, pas besoin de permission, et QSM brise les chaînes, une contrition, QSM est un suppôt, glisse entre tes fesses, tu peux sonner le mélon, c'est enfin l'heure de la messe, QSM est flétri, comme un vieux verre d'urine. QSM te salit, QSM sans lapide. Entre le savon et la chatte, QSM a choisi. QSM brise la rate, au pourri de Nancy. QSM se déchaîne, pas besoin de permission. QSM brise les chaînes, aucune contrition. QSM est un suppôt qui glisse entre tes fesses. Sonner le bédo, c'est enfin l'heure de la messe. QSM est moche, tu peux pas imaginer. Et QSM se lâche comme dans tes cabinets. QSM est obscur depuis la nuit des temps. QSM se piture et pisse contre le vent. Et QSM se déchaîne, pas besoin de permission. QSM brise, aucune contrition. QSM est un suppôt qui glisse entre tes fesses. Tu peux sonner le bedon, c'est enfin l'heure de la messe. QSM te conchit, tu veux pas un coup de site. QSM te vomit et QSM sort ta bite. QSM ne glisse pas, c'est pas son mode d'action. Et QSM gratte comme le pire des morpions. QSM se déchaîne, pas besoin de permission. Et QSM brise les chaînes, aucune contrition. QSM est un suppôt qui glisse entre tes fesses. Tu peux sonner le bedon, c'est enfin l'heure de la messe. QSM se déchaîne, pas besoin de permission. QSM brise les chaînes, aucune contrition. QSM sans le fromage, mais bombe quand même le torse. QSM sans la bave, encore plus que ton boss.